Livre 10, quatrième partie. À Montmorency, le 21 mai 1760. En parcourant, monsieur, la pièce que vous m'avez envoyée, j'ai frémi de m'y voir louée. Je n'accepte point cet horrible présent. Je suis persuadé qu'en me l'envoyant, vous n'avez point voulu me faire une injure. Mais vous ignorez, ou vous avez oublié, que j'ai eu l'honneur d'être l'ami d'un homme respectable, indignement noirci et calomnié dans ce libelle. » Duchesne montra cette lettre. Diderot, qu'elle aurait dû toucher, s'en dépita. Son amour-propre ne put me pardonner la supériorité d'un procédé généreux, et je sus que sa femme se déchaînait partout contre moi avec une aigreur qui m'affecta peu, sachant qu'elle était connue de tout le monde pour une harangère. Diderot, à son tour, trouva un vengeur dans l'abbé Morellet, qui fit contre Palissot un petit écrit imité du petit prophète et intitulé « La vision ». Il offensa très imprudemment dans cet écrit Madame de Robec, dont les amis le firent mettre à la Bastille, car pour elle, naturellement peu vindicative, et pour lors mourante, je suis persuadé qu'elle ne s'en mêla pas. D'Alembert, qui était fort lié avec l'abbé Morellet, m'écrivit pour m'engager à prier Madame de Luxembourg de solliciter sa liberté, lui promettant en reconnaissance des louanges dans l'encyclopédie. Voici ma réponse. Je n'ai pas attendu votre lettre, monsieur, pour témoigner à Madame la maréchale de Luxembourg la peine que me faisait la détention de l'abbé Morellet. Elle sait l'intérêt que j'y prends. Elle saura celui que vous y prenez. Et il lui suffirait, pour y prendre intérêt elle-même, de savoir que c'est un homme de mérite. Au surplus, quoiqu'elle et monsieur le maréchal m'honorent d'une bienveillance qui fait la consolation de ma vie, et que le nom de votre ami soit près d'eux une recommandation pour l'abbé Morellet, j'ignore jusqu'à quel point il leur convient d'employer en cette occasion le crédit attaché à leur rang et à la considération due à leur personne. Je ne suis pas même persuadé que la vengeance en question regarde Madame la princesse de Robec autant que vous paraissez le croire. Et quand cela serait, on ne doit pas s'attendre que le plaisir de la vengeance appartienne aux philosophes exclusivement, et que quand ils voudront être femmes, les femmes seront philosophes. Je vous rendrai compte de ce que m'aura dit Madame de Luxembourg quand je lui aurai montré votre lettre. En attendant, je crois la connaître assez pour pouvoir vous assurer d'avance que quand elle aurait le plaisir de contribuer à l'élargissement de l'abbé Morellet, elle n'accepterait point le tribut de reconnaissance que vous lui promettez dans l'encyclopédie, quoiqu'elle s'en tînt honorée, parce qu'elle ne fait pas le bien pour la louange, mais pour contenter son cœur. Je n'épargnai rien pour exciter le zèle et la commisération de Madame de Luxembourg en faveur du pauvre captif, et je réussis. Elle fit un voyage à Versailles, exprès pour voir Monsieur le comte de Saint-Florentin, et ce voyage abrégea celui de Montmorency, que Monsieur le maréchal fut obligé de quitter en même temps pour se rendre à Rouen, où le roi l'envoyait comme gouverneur de Normandie, au sujet de quelques mouvements du Parlement qu'on voulait contenir. Voici la lettre que m'écrivit Madame de Luxembourg le surlendemain de son départ. À Versailles, ce mercredi, Lias D, numéro 23. Monsieur de Luxembourg est parti hier à 6 heures du matin. Je ne sais pas encore si j'irai. J'attends de ses nouvelles parce qu'il ne sait pas lui-même combien de temps il y sera. J'ai vu monsieur de Saint-Florentin, qui est le mieux disposé pour l'abbé Morellet, mais il y trouve des obstacles, dont il espère cependant triompher à son premier travail avec le roi, qui sera la semaine prochaine. J'ai demandé aussi en grâce qu'on ne l'exilât point, parce qu'il en était question. On voulait l'envoyer à Nancy. Voilà, monsieur, ce que j'ai pu obtenir, mais je vous promets que je ne laisserai pas monsieur de Saint-Florentin en repos, que l'affaire ne soit finie comme vous le désirez. que je vous dise donc à présent le chagrin que j'ai eu de vous quitter si tôt. Mais je me flatte que vous n'en doutez pas. Je vous aime de tout mon cœur et pour toute ma vie. » Quelques jours après, je reçus ce billet de D'Alembert qui me donna une véritable joie. Ce 1er août, Lias D, numéro 26. Grâce à vos soins, mon cher philosophe, l'abbé est sorti de la Bastille, et sa détention n'aura point d'autre suite. Il part pour la campagne et vous fait, ainsi que moi, mille remerciements et compliments. Vale et me ama. L'abbé m'écrivit aussi quelques jours après une lettre de remerciement, Lias D, numéro 29, qui ne me parut pas respirer une certaine effusion de cœur, et dans laquelle il semblait atténuer en quelque sorte le service que je lui avais rendu. Et à quelque temps de là, je trouvai que D'Alembert et lui m'avaient en quelque sorte, je ne dirais pas supplanté, mais succédé auprès de Madame de Luxembourg, et que j'avais perdu près d'elle autant qu'ils avaient gagné. Cependant, je suis bien éloigné de soupçonner l'abbé Morellet d'avoir contribué à ma disgrâce. Je l'estime trop pour cela. Quant à M. D'Alembert, je n'en dis rien ici. J'en reparlerai dans la suite. J'eus dans le même temps une autre affaire, qui occasionna la dernière lettre que j'ai écrite à M. de Voltaire, lettre dont il a jeté les hauts cris comme d'une insulte abominable, mais qu'il n'a jamais montrée à personne. Je supplierai ici à ce qu'il n'a pas voulu faire. L'abbé Trublet, que je connaissais un peu, mais que j'avais très peu vu, m'écrivit le 13 juin 1760, Lias D, numéro 11, pour m'avertir que M. Formé, son ami et correspondant, avait imprimé dans son journal ma lettre à M. de Voltaire sur le désastre de Lisbonne. L'abbé Trublet voulait savoir comment cette impression s'était pu faire, et, dans son tour d'esprit fin et jésuitique, me demandait mon avis sur la réimpression de cette lettre, sans vouloir me dire le sien. Comme je hais souverainement les ruseurs de cette espèce, je lui fis les remerciements que je lui devais, mais j'y mis un ton dur qu'il sentit, et qui ne l'empêcha pas de me pateliner encore en deux ou trois lettres, jusqu'à ce qu'il sût tout ce qu'il avait voulu savoir. Je compris bien, quoi qu'en pût dire Trublet, que Formé n'avait point trouvé cette lettre imprimée et que la première impression en venait de lui. Je le connaissais pour un effronté pillard qui, sans façon, se faisait un revenu des ouvrages des autres, quoiqu'il n'y eût pas mis encore l'impudence incroyable d'ôter d'un livre déjà public le nom de l'auteur, d'y mettre le sien et de le vendre à son profit. Mais comment ce manuscrit lui était-il parvenu? C'était là la question, qui n'était pas difficile à résoudre, mais dont j'eus la simplicité d'être embarrassé. Quoique Voltaire fût honoré par excès dans cette lettre, comme enfin, malgré ses procédés malhonnêtes, il eût été fondé à se plaindre si je l'avais fait imprimer sans son aveu, je pris le parti de lui écrire à ce sujet. Voici cette seconde lettre à laquelle il ne fit aucune réponse, et dont, pour mettre sa brutalité plus à l'aise, il fit semblant d'être irrité jusqu'à la fureur. À Montmorency, le 17 juin 1760. Je ne pensais pas, monsieur, me retrouver jamais en correspondance avec vous. Mais apprenant que la lettre que je vous écrivis en 1756 a été imprimée à Berlin, je dois vous rendre compte de ma conduite à cet égard, et je remplirai ce devoir avec vérité et simplicité. Cette lettre, vous ayant été réellement adressée, n'était point destinée à l'impression. Je la communiquais, sous condition, à trois personnes à qui les droits de l'amitié ne me permettaient pas de rien refuser de semblable, et à qui les mêmes droits permettaient encore moins d'abuser de leur dépôt en violant leurs promesses. Ces trois personnes sont Madame de Chenonceau, belle-fille de Madame Dupin, Madame la comtesse d'Oudetot, et un Allemand nommé M. Grimm. Madame de Chenonceau souhaitait que cette lettre fût imprimée et me demanda mon consentement pour cela. Je lui dis qu'il dépendait du vôtre. Il vous fut mandé, vous le refusâtes, et il n'en fut plus question. Cependant, monsieur l'abbé Trublet, avec qui je n'ai nulle espèce de liaison, vient de m'écrire, par une attention pleine d'honnêteté, qu'ayant reçu les feuilles d'un journal de monsieur Formé, il y avait lu cette même lettre, avec un avis, dans lequel l'éditeur dit, sous la date du 23 octobre 1759, qu'il l'a trouvé, il y a quelques années, chez les libraires de Berlin, et que, comme c'est une de ces feuilles volantes qui disparaissent bientôt sans retour, il a cru lui devoir donner place dans son journal. Voilà, monsieur, tout ce que j'en sais. Il est très sûr que jusqu'ici l'on n'avait pas même ouï parler à Paris de cette lettre. Il est très sûr que l'exemplaire, soit manuscrit, soit imprimé, tombé dans les mains de monsieur Formé, n'a pu lui venir que de vous, ce qui n'est pas vraisemblable, ou d'une des trois personnes que je viens de nommer. Enfin, il est très sûr que les deux dames sont incapables d'une pareille infidélité. Je n'en puis savoir davantage de ma retraite. Vous avez des correspondances au moyen desquelles il vous serait aisé, si la chose en valait la peine, de remonter à la source et de vérifier le fait. Dans la même lettre, M. l'abbé Trublet me marque qu'il tient la feuille en réserve et ne la prêtera point sans mon consentement, qu'assurément je ne donnerai pas. Mais cet exemplaire peut n'être pas le seul à Paris. Je souhaite, monsieur, que cette lettre n'y soit pas imprimée, et je ferai de mon mieux pour cela. Mais si je ne pouvais éviter qu'elle le fût, et qu'instruit à temps je puisse avoir la préférence, alors je n'hésiterai pas à la faire imprimer moi-même. Cela me paraît juste et naturel. Quant à votre réponse à la même lettre, elle n'a été communiquée à personne, et vous pouvez compter qu'elle ne sera point imprimée sans votre aveu. Qu'assurément, je n'aurai point l'indiscrétion de vous demander, sachant bien que ce qu'un homme écrit à un autre, il ne l'écrit pas au public. Mais si vous en vouliez faire une pour être publiée et me l'adresser, je vous promets de la joindre fidèlement à ma lettre et de n'y pas répliquer un seul mot. Je ne vous aime point, monsieur. Vous m'avez fait les maux qui pouvaient m'être les plus sensibles, à moi, votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève pour le prix de l'asile que vous y avez reçu. Vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués parmi eux. C'est vous qui me rendez le séjour de mon pays insupportable. C'est vous qui me ferez mourir en terre étrangère, privé de toutes les consolations des mourants et jeté pour tout honneur dans une voirie. Tandis que tous les honneurs qu'un homme peut attendre vous accompagneront dans mon pays. Je vous hais, enfin, puisque vous l'avez voulu, mais je vous hais en homme encore plus digne de vous aimer, si vous l'aviez voulu. De tous les sentiments dont mon cœur était pénétré pour vous, il n'y reste que l'admiration qu'on ne peut refuser à votre beau génie et l'amour de vos écrits. Si je ne puis honorer en vous que vos talents, ce n'est pas ma faute. Je ne manquerai jamais au respect qui leur est dû, ni au procédé que ce respect exige. Adieu, monsieur. Au milieu de toutes ces petites tracasseries littéraires qui me confirmaient de plus en plus dans ma résolution, je reçus le plus grand honneur que les lettres m'aient attiré et auquel j'ai été le plus sensible, dans la visite que monsieur le prince de Conti daigna me faire par deux fois, l'une au petit château et l'autre à Montlouis. Il choisit même toutes les deux fois le temps que madame de Luxembourg n'était pas à Montmorency, afin de rendre plus manifeste qu'il n'y venait que pour moi. Je n'ai jamais douté que je ne dusse les premières bontés de ce prince à madame de Luxembourg et à madame de Boufflers. Mais je ne doute pas non plus que je ne doive à ses propres sentiments et à moi-même celle dont il n'a cessé de m'honorer depuis lors. Comme mon appartement de Montlouis était très petit et que la situation du donjon était charmante, j'y conduisis le prince, qui, pour comble de grâce, voulut que j'eusse l'honneur de faire sa partie aux échecs. Je savais qu'il gagnait le chevalier de Lorenzi, qui était plus fort que moi. Cependant, malgré les signes et les grimaces du chevalier et des assistants, que je ne fis pas semblant de voir, je gagnai les deux parties que nous jouâmes. En finissant, je lui dis d'un ton respectueux mais grave, « Monseigneur, j'honore trop votre Altesse sérénissime pour ne la pas gagner toujours aux échecs. » Ce grand prince, plein d'esprit et de lumière, et si digne de n'être pas adulé, sentit en effet, du moins je le pense, qu'il n'y avait là que moi qui le traitasse en homme. Et j'ai tout lieu de croire qu'il m'en a vraiment su bon gré. Quand il m'en aurait su mauvais gré, je ne me reprocherais pas de n'avoir voulu le tromper en rien, et je n'ai pas assurément à me reprocher non plus d'avoir mal répondu dans mon cœur à ses bontés, mais bien d'y avoir répondu quelquefois de mauvaise grâce, tandis qu'il mettait lui-même une grâce infinie dans la manière de me les marquer. Peu de jours après, il me fit envoyer un panier de gibier, que je reçus comme je devais. À quelque temps de là, il m'en fit envoyer un autre, et l'un de ses officiers des chasses écrivit par ses ordres que c'était de la chasse de son Altesse et du gibier tiré de sa propre main. Je le reçus encore, mais j'écrivis à Madame de Boufflers que je n'en recevrais plus. Cette lettre fut généralement blâmée et méritée de l'être. Refuser des présents en gibier d'un prince du sang, qui de plus met tant d'honnêteté dans l'envoi, et moins la délicatesse d'un homme fier qui veut conserver son indépendance que la rusticité d'un mal appris qui se méconnaît. Je n'ai jamais relu cette lettre dans mon recueil sans en rougir et sans me reprocher de l'avoir écrite. Mais enfin, je n'ai pas entrepris mes confessions pour taire mes sottises, et celle-là me révolte trop moi-même pour qu'il me soit permis de la dissimuler. Si je ne fis pas celle de devenir son rival, il s'en fallut peu, car alors Madame de Boufflers était encore sa maîtresse, et je n'en savais rien. Elle me venait voir assez souvent avec le chevalier de Lorenzi. Elle était belle et jeune encore, elle affectait l'esprit romain, et moi je l'eus toujours romanesque. Cela se tenait d'assez près. Je faillis me prendre, je crois qu'elle le vit, le chevalier le vit aussi. Du moins, il m'en parla, et de manière à ne pas me décourager. Mais pour le coup, je fus sage, et il en était temps à 50 ans. Plein de la leçon que je venais de donner au Barbon dans ma lettre à d'Alembert, j'eus honte d'en profiter si mal moi-même. D'ailleurs, apprenant ce que j'avais ignoré, il aurait fallu que la tête m'eût tourné pour porter si haut mes concurrences. Enfin, mal guéri peut-être encore de ma passion pour Madame d'Houdetot, je sentis que plus rien ne la pouvait remplacer dans mon cœur, et je fis mes adieux à l'amour pour le reste de ma vie. Au moment où j'écris ceci, je viens d'avoir d'une jeune femme, qui avait ses vues, des agaceries bien dangereuses et avec des yeux bien inquiétants. Mais si elle a fait semblant d'oublier mes 12 lustres, pour moi je m'en suis souvenu. Après m'être tiré de ce pas, je ne crains plus de chute, et je réponds de moi pour le reste de mes jours. » Madame de Boufflers, s'étant aperçue de l'émotion qu'elle m'avait donnée, put s'apercevoir aussi que j'en avais triomphé. Je ne suis ni assez fou ni assez vain pour croire avoir pu lui inspirer du goût à mon âge. Mais sur certains propos qu'elle tint à Thérèse, j'ai cru lui avoir inspiré de la curiosité. Si cela est, et qu'elle ne m'ait pas pardonné cette curiosité frustrée, il faut avouer que j'étais bien née pour être victime de mes faiblesses, puisque l'amour vainqueur me fut si funeste et que l'amour vaincu me le fut encore plus. Ici, finit le recueil des lettres qui m'a servi de guide dans ces 2 derniers livres. Je ne vais plus marcher que sur la trace de mes souvenirs. Mais ils sont tels, dans cette cruelle époque, et la forte impression m'en est si bien restée, que, perdue dans la mer immense de mes malheurs, je ne puis oublier les détails de mon premier naufrage, quoique ces suites ne m'offrent plus que des souvenirs confus. Ainsi, je puis marcher dans le livre suivant avec encore assez d'assurance. Si je vais plus loin, ce ne sera plus qu'en tâtonnant.